Bienvenue donc sur Canal Sud 92.2 FM, comme je vous le disais il y a à peu près une demi-heure, je me sens interrompu par des néfastes, des nuisibles comme on les appelle. Voilà. C'est dit, à part ça, il n'y a pas grand chose à renouveler, le truc est vraiment très bon, le concept et tout de l'émission est excellent. Je remercie tous les auditeurs de participer, c'est gentil, merci pour votre présence ineffaçable. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, comme je vous l'ai déjà dit, et vous écoutez l'émission Nuisance qui. L'émission Nuisance, donc qui est. So as I was saying, Nuisances is a show that's about nothing, in fact. C'est tendu, mais il faut que je sois à 7h, ben on peut traîner un peu chez moi si tu veux. Ouais, on va se caler et puis après un bout. Ouais, voilà. Tu veux aller à 7h où? Il faut que je sois à 7h à Palais de Justice. C'est défaussé, ça. Ouais, je t'ai pensé. C'est une bosse. C'est une carica. À 7h en Palais de Justice, tu dois faire quoi? Je sais pas. Tu t'es enregistré depuis tout à l'heure? Ouais. Juste quand, t'arrives, quand tu m'as appelé, je suis en train d'essayer l'enregistrement parce que hier, le marché bus, je sais pas pourquoi. Apparemment, il y a un trop gros fichier, ben. Il y a pas que des bons sons. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. Ouais, je suis défoncé. pas par là. Ah non, mais, si, mais l'arrêt il est là, mais il est dans l'autre. Ah ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est ça. Bah non. Ben, bon, tu es deux fois, tu viens de dire que c'est pas en écoutant en même temps. Quoi. Je vais me descendre ces marches. Ouais. T'as vu ces encarnés? Je travaillais. Thank you. welcome everybody, if you're dead, you're welcome. Nous sommes sur Canal Sud, n'est-ce pas? Ce qui veut dire oui. Je sais pas trop. Bah oui, je te le dis en fait. C'est vrai, ouais. Canal Sud, c'est la radio où nous sommes. Je sais, mais... En tout cas, je sais pas pourquoi j'avais envie d'essayer ça, mais... C'est rigolo, non? Oui, un peu rigolo. C'est vrai. Bon, et bien bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Si tu veux dire bonsoir, t'es pas obligé. Salut. Je vais couper. D'accord. Allez. Thank you. Welcome to the show, which is not a show, it's a gimmick. A gimmick is something you do stupidly over and over again because you're dumb and you hate yourself for being dumb. That's the whole thing about it. On s'entend, n'est-ce pas? Oui, on s'entend. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais. Des personnes avec moi, ou au moins une, n'est-ce pas? Avec moi. Nous sommes deux personnes, du coup, on est plusieurs. Oui. Et nous sommes à la radio. Oui, mais j'ai une histoire à raconter comme ma maman m'a demandé de le faire. D'accord, et tu fais bien d'obéir à ta maman car elle a souvent raison. Oui. Eh ben... Ça me dérange. Bah vas-y, tu es la bienvenue. Tu peux t'exprimer comme tu le sens, comme tu l'entends. Non, mais c'est juste parce qu'il a le bruit qui me... Voilà, c'est pour ça que je l'ai baissé. Voilà, t'as vu. Eh ben, il a une petite fille qui était un peu amoureuse. Donc, elle est passée par un passage là où il y avait un petit jardin. Et le petit jardin était magique avec le cœur qui a parlé. Et ensuite, il a ouvert la porte secrète pour aller voir un garçon. Oui. Et voilà. Et c'est quoi cette porte secrète? Mais cette porte secrète t'amène où il y a un garçon. Ah. Mais oui, mais elle t'a déjà terminé mon histoire. Oui. Ben oui. Je t'écoute. Mais j'avais une question quand même. Oui. Oui. Ma question c'est, il représente quoi le garçon? C'est quoi le garçon? Eh ben, il a un pantalon, enfin il a un joli pantalon rose. Rose? Et chouette. Ensuite... Chouette, il est bien son pantalon. Oui. Et ensuite il y a un... Il a... En fait il est dessiné tout rose parce que il aimait bien. Tu l'aimes bien? Oui. Ah ouais. Donc maintenant, eh ben... Puisqu'elle a trouvé ce garçon, eh ben, ils vont aller à la maison tous les deux. Ah, c'est cool. Pour eux, non? C'est ça? Mmh. Ah, c'est cool ton histoire. Merci pour ta réponse. Merci. Chouette. So, as I was saying, it's all about tendrils. C'est les tentacules. Les tentacules de la pieuvre qui s'amoncellent en tas. Le bord de la rivière dépasse du tas, vers l'eau. L'eau est un amoncellement de molécules qui, fluides, trénouillent le long de l'eau, donc, est un amoncellement de molécules qui fluide traînouille au bord de l'eau. Et ainsi que nous le disâmes, ils furent. Ils furent. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé un truc marrant quand même, c'est fureté. Fureté, ouais, fureté, c'est fureteux. C'est quoi ce truc? Furé, comme un furet, quoi. Il furette. On devrait dire il furette. Il furte. Il furte. C'est un peu comme il burpe, tu sais, ou il firte. Il firte un amoncellement de molécules. Comme on disait. Un amoncellement de molécules. L'être humain est un amoncellement de... molécules. Pourquoi pas? Et ils furent. Et ils furent. Beaucoup. Ou suffisamment, disons. Peut-être. Oui, peut-être. C'est pas mal. Ça dépend. Ça dépend, c'est pas mal aussi. C'est gênant, hein, ce son derrière. Là. Ça ressemble à des fureteurs, quoi. De la furetation. Du furetisme. Du furetage. Oui, mais il en a trois qui est venu faire la radio, donc je sais pas si je vais bien y arriver. Mais tu arrives déjà bien, non? Voilà. Faire la radio, alors c'est quoi faire la radio? La radio, c'est faire une radio pour que tout le monde aime bien. C'est ça. Ça commence par là. Parce qu'on aime bien aussi, non? Faire la radio, peut-être, si on y arrive. Oui, t'es un peu rigolo de faire la radio. Ah bah voilà. C'est marrant, hein, de dire oui, ça. Oui, donc je suis revenu. Cool. T'es revenu avec des molécules, j'ai vu. Oui, avec Joël et Rachel. Voilà. Bienvenue, les Joël et Racheliens. Vous êtes sur Molécule Land, ici. Oui. Nuisance. Nuisance, oui. L'émission qui nuit au sens. Oui, j'ai jamais fait de radio, moi. Ah ouais? Cool. C'est ma toute première fois que j'ai fait ça. Ah ouais. Toi, tu le referas, j'espère. Je le souhaite, en tout cas. Pour toi. Oui. Pour tout le monde. Je vais revenir avec tout le monde, cette fois. Tout le monde qui voudra faire de la radio avec nous. Enfin, avec toi. Ou avec tout le monde, quoi. En fait. Oui. Ensemble. C'est cool, hein, de pouvoir quand même s'exprimer, quoi. Les autres, c'est des molécules, mais ils s'expriment pas beaucoup, hein. C'est vrai, faut le dire. Oui. C'est dingue, quand même. Est-ce qu'on peut être auto-censurant quand on est en mointe tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est vrai, non? Néanmointé, par exemple. C'est un peu rigolo parce que j'aime bien faire la radio et je l'ai jamais fait auparavant, donc c'est ma toute première fois. Et j'espère que ma maman saura bien parce que moi, j'aime bien ma maman. Ah, c'est cool. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait ta maman dans la vie? Eh ben, elle me fait des cadeaux, elle me fait des câlins, des bisous, tout bien. Ah ouais, et t'aimes bien les câlins et les bisous de ta maman? Oui. Et pourquoi? Parce que j'aime beaucoup tout plat. Ah ouais, c'est cool. Je suis content pour toi que t'aimes quelque chose dans la vie. C'est bien. Tant que ce soit les câlins de ta maman. Moi. Ouais, on est d'accord. Vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM, une émission d'expression libre. Oui. N'est-ce pas? J'aime bien la nature aussi. Ah oui? Quelle nature? La nature verte? La nature bien verte avec tout plein d'animaux. Ah oui, du marron aussi. Mmh. Avec vert. Des arbres. Et du jaune aussi, non? Du jaune avec, bien sûr, le soleil et le bleu. Et le bleu aussi. Le bleu, la planète bleue, la Terre. C'est ça, on est bleu en fait, on n'est pas vert. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime la nature donc j'aime tout. C'est bien possible. Oui. Sauf que j'ai jamais vu une petite fille faire de la radio. Ah, j'en ai déjà vu moi. Regarde, j'en vois une déjà devant moi. Et ensuite j'ai vu un petit garçon une fois, Victor si je ne m'abuse, qui plusieurs fois il a fait de la radio et même sur 2-3 ans donc quand il a commencé. La première fois qu'il avait fait la radio, il devait avoir 5-6 ans, tu vois. Comme toi. Moi, j'ai déjà 6 ans. Ah bah tu vois, il avait le même âge que toi, je crois. Ou peut-être un peu plus, mais à peine, hein, tu vois. Et c'était ça, c'était sa première radio. Peut-être que tu te souviens plus. Ouais, je me souviens plus, c'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Tu l'as vu depuis longtemps, donc des fois on se souvient plus. C'est trop ça, bien. Parce que je l'ai vu pendant justement un an ou deux. Et après, au bout de 2 ans, eh ben, il est repassé plusieurs fois, même 2-3 fois, il est passé à cette émission-là. Les premiers vendredis du mois, le vernissage de Canal Sud. Tous les premiers vendredis du mois, Canal Sud dispose d'une salle d'exposition. T'es vrai qu'on nous entend tous dans notre radio? Oui, au 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse, France. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi qu'on fait de la radio et puis que t'es un peu rigolo. Bah parce que en fait, on parle à des gens qu'on voit pas. Déjà ça, c'est rigolo, tu vois. Et ensuite, on parle de choses que les gens, ben, ils ont pas forcément pensé à y penser. Alors nous, on dit des trucs qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Et c'est pour ça qu'on vit, pour sortir de l'ordinaire. Voilà, moi c'est ce que je dis en tout cas. Peut-être c'est une bonne réponse, peut-être c'est une mauvaise, mais en tout cas c'est ma réponse, je sais pas. Et tu viens de poser la question. Oui, mais la question, moi j'ai une autre question à dire. Oui. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on parle à d'autres gens qu'on connaît pas dans une autre vie. Peut-être parce que on aime bien parler entre nous. Alors on se dit, tiens, on va parler entre nous devant d'autres gens qui peuvent nous entendre. et on va parler de comme on a envie, de choses qui nous intéressent. Voilà quoi, comme ça quoi, comme on vit, tranquille. Oui. Je sais pas, je dis ça moi. Attends, moi une j'aime autre question. Bien. T'aimes bien en plus? Oui. Ben tu vois, c'est ça l'essentiel. Moi j'adore les radios. Cool. Moi j'ai jamais fait donc j'aime bien maintenant. Bah tu pourras dire, hein. T'es pas obligé de dire, mais tu pourras dire que t'auras fait ta première radio. Dans l'émission Nuisance. Je sais pas pourquoi tu mets cette musique. Parce que c'est ma musique que je fais, c'est ce que je fais en fait. J'adore ça moi. Oui, mais moi j'aime pas trop bien parce que moi j'ai un problème d'oreille et puis je suis obligée de mettre des bouchons. Bah je vais baisser un peu alors. Là j'ai baissé là. T'as vu Luna? J'ai baissé. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi maman est venue maintenant faire la radio? Sûrement pour que j'éteigne son micro, parce qu'elle veut pas parler. Elle m'a dit qu'elle voulait pas parler parce que je suis quelqu'un de méchant et que j'étais pas beau et que. Après, elle a commencé à vouloir monter sur la table et tout. J'ai rien compris. Pas du tout! Elle est intelligente et gentille, moi je te dis pas pourquoi! C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, t'as tout faux en fait, c'est pas du tout ça quoi. Et elle a pas entendu, alors du coup, j'ai pu m'exprimer dans le vide. C'était cool. C'était chouette. Moi j'aime bien. Comme ça, je fais comme ça. Voilà. Après, t'oses plus parler quand je suis là. Bah, j'ai coupé ton micro. Moi, je t'entends, maman. Mince. On t'a pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu fais quoi dans la vie? On lui a posé la question. Elle a dit que tu faisais des câlins de et des bisous. Alors, maman, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui. Bon. Comment tu me jettes une pierre? Un truc comme ça, tu sais. La musique. C'est ça qu'il faut faire. Nom d'un chien, mais j'aime pas la musique maintenant avec mes problèmes d'oreilles. Ah mince, ça c'est dommage par contre. Et peut-être que t'aimes le jonglage ou le cirque. J'aime ou... bien la musique, mais c'est juste parce que j'ai un problème d'oreille. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, c'est gênant. C'est très gênant même. Maman, fais pas siffler, t'as ouais, fait mal fais pas ça, ouais. Enfin, tu le sauras maintenant. Eh ben, j'aime bien la radio avec tout le monde. Cool, parce que tout le monde aime la radio avec toi. Ouais. Pardon, un peu fort. Hein. Alors, j'avais envie de parler de... Par exemple, on pourrait parler de prout avec toi. Sérieux, tu veux pas parler de prout un peu? Rigolo, c'est pas rigolo ça? Pourquoi pas? T'as envie que je fasse un? Non! Oh, c'est horrible! Qu'est-ce que t'as fait? Non, mince, c'est pas ça qu'il fallait dire en fait, c'était. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on parlerait de prout, ma chérie. C'est moi qui ai dit ça. C'est un peu facile, j'avoue. Et si on parlait du contraire de prout, c'est quoi? Le contraire de prout, en fait, le contraire de prout. C'est chaud, hein, c'est difficile. Hein. Ah, je sais même pas, moi. Toi, tu sais, toi? Mmh. Moi, je vois pas trop. Hein. Vous avez des idées, les gens? Non. Non, c'est difficile. Mais pourquoi le contraire de prout, c'est les arcs-en-ciel. Mais c'est pas un arc-en-ciel. Non, c'est un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est pas une prout, c'est pas possible. On fait une radio sur une bonne radio, pas une radio de caca prout pipi, là. Ah, d'accord. C'est moi, je suis vraiment un imbécile, j'en veux terriblement à mon audience. J'espère que tout le monde n'a pas écouté ce que t'as dit. Non, t'inquiète pas, ils nous en voudront pas. Ils nous en voudront pas, je veux dire quoi. Non, mais moi, quand même, je dis que... Ouais, vas-y, je t'écoute. Si je t'aurais écouté à cette radio, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'aurais pas parlé de prout en tout cas. Ouais, bah c'est moi ça, c'est tout moi, tu me connais pas encore, Luna. Mais c'est vrai que j'aime bien parler de prout. Maintenant, on arrête de parler de prout parce que là, voilà. Je pense qu'on sera une fausse radio qui va être un peu nulle là. Ah ouais, tu crois? Toi, tu dirais ça. Mais elle sera nulle avec la prout là. On parle pas de prout, machin, caca prout. Regarde, je vais t'expliquer, Luna. On parle pas vraiment de caca prout en fait. Ce qu'on parle, ce de quoi l'on parle en fait, c'est de la vie. Alors en fait, c'était pas prout quoi. Et je m'excuse, je me suis mal exprimé. Je voulais parler de la vie en fait. comme elle est, quoi. Comme et il faut tout accepter. Pourquoi t'as parlé alors de la proute alors tout parce à que, l'heure. Parce que il faut tout accepter dans la vie, tu vois, dont les proutes. Voilà, c'est pour ça. Les proutes ne sont pas importants dans la vie. C'est pas le plus important, mais c'est quand même un difficile d'accepter qu'on fasse proute. Tu vois, c'est difficile à accepter qu'on fasse proute. C'est moi, un peu gênant. Moi, je t'écouterai pas. D'accord, ne m'écoute pas. Je comprends. Je suis désolé, par contre. Oui, mais maintenant, tu ne dis... on ne dit plus de... Non. On ne dit plus caca proute, parce que là, sinon... Sinon quoi dis... Tu vas pas me punir quand même. Non, je dis plus caca proute, je te promets. Je dirai plus caca proute, il y a pas de problème. Elle va on va couper la tête. On parle même pas de pipi, ni de caca, ni de proute, ni de méchanceté. On est d'accord? Bon. D'accord. On parle de la vie, donc je ne verrai pas pourquoi on dirait caca proute. Comme tu veux. Et dans la vie, on ne dit pas caca proute machin, d'accord? Sinon, ouais. Je te punirai. D'accord, c'est vrai, je suis un peu bête, ouais. C'est vrai que j'y ai pas pensé comme ça. Ouais, t'as raison. Bon, d'accord. Alors moi, ce que je vais parler, c'est de la rivière. De la rivière. La rivière du bruit. Le bruit, tu vois ce que c'est, le bruit? C'est pas du tout la rivière, ça. C'est quoi? La rivière fait... Tu vois, fait un peu de vague. Ça, c'est pas. La photo, ça. Et le son, ça fait quoi, une rivière? Mais en bruit, quoi. Le bruit de la rivière. Non, c'est vrai que ça fait pas rivière, mais... Ça fait autoroute, un peu. Mais pourquoi on parle de rivière? On ne sait pas faire le son de la rivière. C'est vrai. Il n'y a que la rivière qui sait faire ça. Tu sais faire le son de quoi? Le son du tigre. D'y va. Hein. Ben, je sais pas comment trop bien qu'on fait parce que... Il faut essayer une. Normalement, je fais... Ah. Je laisse la place à Rachel. D'accord. Si elle veut. Tu vas pas la punir quand même. Bah non. En fait, je ne sais pas pourquoi on fait cette radio avec tout ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Mais là, je suis bien d'accord. Ok. Sur la vie, c'est vrai que sur la vie, j'aime bien sur la vie. Moi, j'aime bien les coccinelles, les kangourous. Regardez Naruto, bien sûr. Maman, on ne parle pas quand on fait la radio, compris? Tu sais très bien, maman, hein. Bon. Je pense qu'on a fait une belle radio. Oui, merci. Je pense aussi. Tu veux faire une pause? C'est oui. Ça, en fait? D'accord, il n'y a pas non, de problème. Non, j'ai pas envie de faire du tout de pause. C'est juste... Ah, parce... tu veux continuer, pardon? Oui, j'aime bien. J'aime d'accord. Bien les coccinelles, les kangourous. Bah, fais comme tu sens. Voilà. D'accord. Vas-y, parle des coccinelles. Mais comment tu peux m'entendre sans masque? Sans casque? Sans casque, le casque c'est parce que moi j'ai des retours en fait. J'ai des retours, les retours c'est du son à la table. Voilà, c'est des retours ça s'appelle. Et moi j'ai du son, mais vous en avez pas. En fait, pourquoi tout le monde est venu pour faire un peu de radio? Parce qu'ils sont gentils et qu'ils sont venus me voir et faire nuisance avec moi et c'est trop gentil. C'est vrai, c'est très gentil, suffisamment gentil en tout cas pour que je les remercie. D'accord. Voilà. Donc arrête, je les remercie. Arrête, tu vas tous nous faire pleurer. Ouais, je le fais bien. Hein. J'ai l'arme à l'œil. Ouais, mais vas-y, hein. N'hésite pas. Quoi. Elle est déjà en train de pleurer là, je pense. C'est horrible, arrête. Non, continue. Enfin, oui, c'est bien, c'est horrible. Continue. Tu gardes à rire de l'autre côté, Rachel. Mais je crois qu'elle le fait exprès en fait. Elle veut me vexer, c'est pour ça. Non, c'est juste parce qu'elle est pas envie de continuer la radio, elle aime pas en fait. D'accord, bah, moi non plus j'aime pas alors. Mais j'ai pas envie d'arrêter la radio pour autant. Moi j'aime bien. Toi t'aimes bien? Bah on continue alors. Bah, j'avais dit que j'avais bien envie de continuer quand même, quoi, même si j'aimais pas. Mm-hmm. En fait, j'aime bien la nature avec les coccinelles, les papillons. J'aime bien tous les trucs volants, moi. Et les kangourous? Les kangourous, oui, j'aime bien. J'aime tout, moi, sauf les tigres et les lions, parce qu'après, ils vont me dévorer. Et ben, je vais quand même les soigner, hein, parce que, puisque moi, j'aime bien le métier de les soigner, les animaux. Ouais, ça s'appelle comment? Maman, ne parle pas! C'est vrai, on n'a pas entendu la question. C'est... Ça s'appelle comment, de soigner les animaux? Vétérinaire, non? C'est ça? Vétérinaire? Oui, vétérinaire. Ouais, c'est ça. Et ben, quand je serai vétérinaire... Je dis pas bien. Vétérinaire. Vétérinaire. V. T. T. R. Vétérinaire. Donc, comme j'ai bien ce métier-là, eh ben, je vais le faire quand je serai grande. Parce que quand je serai grande, eh ben, j'aime bien soigner les animaux. T'aimerais bien, quoi? Oui, parce que moi, j'aime bien les animaux. J'ai jamais vu des animaux. Ils sont fuis trop vite pour moi. Ah, les animaux sauvages, dans la nature? Oui. Ah, d'accord. Mais il y a des animaux dans les eaux que tu peux soigner aussi. Mais ils sont à moitié sauvages, quoi. Mais c'est dommage, quoi. De les garder dans les eaux, ou c'est bien de les garder dans les eaux pour qu'on puisse les voir, je sais pas. Oui, mais moi, j'ai rencontré des oiseaux sauvages, mais dans la forêt, dans une maison. Avec Tata Fanny et mon parrain. Il y en a un qui n'était pas sauvage, parce que il était encore bébé. Et puis, je les mettais sous ma tête, sous mon épaule, je les mettais partout. Je reviens. Oui. Et tu peux continuer à parler. Vas-y, parle. Eh ben, moi, tout ce que j'aime bien, c'est tout ce que je trouve et tout ce que j'aime. Et ma maman que j'aime. Je t'écoute. J'écoute la voix du sage. Du sage? Oui. Moi, je suis sage, donc je ne verrai pas pourquoi je ne serai pas. Je suis sage, donc je peux soigner les animaux. Je m'arrête là parce que là, il va rien m'entendre. Non, mais moi, je t'écoute. Maman! On t'écoute, parle. Maman, je t'aime bien. J'aime toute la nature du monde entier. Je suis sage. Et puis... j'aime toute la nature du monde entier. Moi, j'aime pas la nature. Moi, je pense qu'il faudrait manger toutes les baleines. Les baleines sont gentilles, t'es meilleur, non, tout. Les baleines, elles sentent bizarrement. Les baleines sont bien. Les baleines sont gentilles. Elles sont sages, non, parce que elles sont grosses. Je sais, dévore les poissons. Et les baleines, elles doivent faire des gros proutes quand même, non? Ouais. Les proutes de baleines, c'est très mauvais pour la planète. Oui, je sais, mais sauf qu'on ne sont pas d'ici. On n'est pas dans un royaume de baleines. Au secours, il a une baleine qui va me dévorer pour faire une proute. Non, mais ça, on s'en fiche. Parce que là, j'ai dit, on ne fait plus de proutes. On ne parle pas des proutes. J'ai dit, on ne parle pas des proutes. Bah, c'est quand même important. Pas crier, par contre. Je sais, mais lui, il est en train de parler de proutes maintenant, Rigo. Mais c'est pas grave, il fait ce qu'il veut et toi tu fais ce que tu veux aussi, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Non, mais moi je te jure, comme... je te jure. Non, mais je toi. Promets, c'est mon émission, c'est comme ça que ça marche. C'est moi le chef ici. Je t'avais si puni. On fait ce qu'on veut, on a non, le droit de se couper la parole. On peut aussi faire ça. On a le droit de couper la parole à tout le monde. Si tu veux parler quand je parle, t'as le droit. Oui, mais alors tu gâtes tes. Par contre, faut moi parler. Oui, oui, oui, oui. Luna, ne crie pas. Ne crie pas. Parle tranquille, devant le micro, comme ça, bien, et tu t'approches pas trop, et tu cries pas trop, sinon ça va faire des gros bruits et tout, et les gens ils vont avoir mal aux oreilles. Déjà qu'ils ont mal aux oreilles à cause de ma musique. Maman! Moi je suis ta maman, je suis pour t'aider, c'est juste qu'après ça fait chut. Ouais, chut, c'est vrai, tu ouais. Tu tout ce que tu veux, je m'en vais, moi, je vais y aller. Rachel, t'as envie de le faire maintenant? De quoi? La radio. Je le fais là? Oui, mais il faut que tu parles d'abord. Non, parce qu'en fait, elle arrive à ce que les gens l'entendent sans parler. Ah, mais attends. Ça veut dire c'est quoi? C'est pas possible, les garçons là. Ils parlent de les prout, garçons. De machin prout. Ah, ça c'est moi ça. C'est pas les garçons, c'est juste moi, Al, qui fait ça. J'aurais pas dû. Parce que la preuve, tu veux pas parler sinon, de ça. Donc, sinon, voilà, il y a les autres qui ont le droit de parler de caca prout. Et après, je suis obligé de gronder. Mais non, c'est, mais pas, non, c'est pas une règle en fait, c'est pas une loi. C'est juste, j'avais peur de te vexer, alors du coup j'ai arrêté. Mais finalement, toi, si tu veux, tu peux parler de caca prout. Ouais, mais tu peux parler d'arc-en-ciel, tu peux parler de fleurs, d'oiseaux, d'autoroutes, de ce que tu veux. Dans tu mon vois, histoire, il avait un arc-en-ciel. Voilà, raconte ton histoire. Ouais. Voilà, ouais. Vas-y. Mais j'ai déjà raconté tout à l'heure. Non, mais l'arc-en-ciel, c'était quoi alors? L'arc-en-ciel était magique. Il avait fait apparaître une petite fille comme tout à l'heure, que j'ai parlé. Et il a fait apparaître le petit garçon qui était en fait. Et en fait, l'arc-en-ciel les rendait heureux. Et ensuite, les renvoya dans un autre royaume joyeux. Et après, t'as un petit sucette de bonbons. Et les bulles? Qu'est-ce qu'elles font, les bulles? Elles éclatent de rire avec avec une trompette. Clac, clac, clac, clac, clac. Elle éclate de rire. Ha! Les bulles. Alors en fait, les bulles, elles sont éclatées. Éclatées, elles sont ouais. éclatées de rire. Ouais, ouais. Oui, parce que comme on les... Je comprends, ouais. C'est, ça avait l'air d'être quelque chose pour toi, Luna. Et donc, je t'ai laissé le dire. Comme oui, moi tout à l'heure. Mais tu pourras arrêter de bruit parce que t'as D'accord. oublié que j'avais un problème d'oreille. Oh, j'ai pas mis fort, là. C'est vrai, non? Oui, mais ça me dérange un tout petit peu. Un petit peu ou pas beaucoup? Un tout petit peu comme ça. Ouais, pas beaucoup, quoi. Pas plus que tes chaussures. Voilà, pas plus que moi avec mes cacaproutes. C'est vrai. J'ai dit on ne parle plus de cacaproutes, compris? Mais on parlait pas de ça, on parlait de moi qui parlait de ça. Mais de quoi tu veux parler? Mais... C'est vrai ça. Défense de fumée, c'est écrit au 05 61 53 36 95. Si vous voulez un panneau de défense de fumée, je vous le donne. Volontiers. C'est au 40 rue Alfred Dumery. Moi j'en veux bien. Hein. Bah tiens, vas-y, t'as qu'à venir, mais je te le prêterai seulement toi. Ah. C'est différent pour toi. C'est ouais, les autres, d'accord, mais non, toi non. Voilà. Autant me le louer hein, carrément. Oh, non, je te prête pas finalement. J'ai changé d'avis. C'est... tu me traites de chacal, d'accord. Tu peux rêver, jamais t'auras ce panneau. C'est une chose importante à dire. Tu me pas, mets debout parce que t'es très important. Dans la vie, on ne parle pas de cacaproute. T'es interdit dans les radios. On va parler de chacal. Nous prendre pour des débiles avec des cacaproutes. Mais je suis débile, Luna. Je suis débile, moi. Je suis quelque part, oui, je suis débile. Mais moi, je ne suis pas débile. J'explique les règles oui. de cacaproute. Mais c'est dommage que tu m'interdises mais de parler de cacaproute. Si moi, je suis débile. Parce que tout le monde oui, fait mais toi, t'es débile parce que tu n'as pas envie que je sois... Non, c'est blagué. Pas... non, mais de toute façon... Non, j'ai envie, moi, j'ai envie je que m'en tu sois bien. Je m'en fiche, t'inquiète pas. Fiche. Je veux pas te gronder, mais... Non, me gronde pas. Me gronde pas, c'est pas bien, c'est méchant pour moi, parce que je veux te faire plaisir, moi, en t'invitant et tout. Et tu me grondes parce que tu je parle de pipi caca. Tu me fais pas plaisir, mais fais tout ce que tu veux dans la radio. Mais on ne parle pas de caca, on parle bon, de on parle la de pipi. Vie. Pipi caca, ça va, ça? Pas pipi caca, on va nous prendre pour des débiles, sinon dans la radio. Mais ça me dérange pas, moi, qu'on me prenne pour un débile. Toi, tu peux ne pas en parler, mais moi, j'en parlerai. C'est un peu bizarre. C'est une histoire débile, tu vas voir. D'accord. C'était une fois, un garçon qui faisait caca sur une ville. Tu vois, cette radio sera débile. C'est vrai, c'est débile. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Donc, on ne dit pas cacaproute parce que t'es débile. Mais c'est vrai que cacaproute, c'est pas très intéressant. Par contre, un garçon qui fait caca sur une fille, c'est quand même un ouais, peu intéressant. Moi, quoi. Je trouve ça pas mal intéressant. Ouais, vraiment. Ouais. Non, mais si, vraiment. Hein. On vraiment, parle Luna. De la vie. Oui, mais la vie, c'est, ça peut ouais, être ça, ça aussi. Être ça peut arriver, quoi. Tu vois, c'est ça, la vie, c'est aussi. Des fois, t'as, toi, t'es avec tu connais des pas chiens. Tout. Moi, j'étais avec mon papa. Ma chienne, elle me fait caca sur le pied. Ouais. Oh. Ouais, c'était comment? C'était. Horrible. Horrible. Horrible. T'as raison, c'est vrai, c'est horrible. Bon, d'accord. Bah oui, mais bon, on a le droit d'en parler quand même, tu vois. Tu viens de me parler bah de ouais. toi, ton chien qui a fait caca sur son pied. Alors, on a le droit d'en parler, tu vois. C'est permis. Non, mais si, moi, je n'ai pas envie parce que sinon, là, je vais exploser, là. Mais non, tu vas pas exploser, au contraire. Ça fait se sentir bien, ça. Je craque. Non, tu rigoles. Non, bah chien, mais ces deux-là, ils nous ont même pas parlé à la radio, ils s'en vont. Si, non. à peine. Ils ont parlé à peine. Mais par contre, nous deux, on parle bien, t'as vu? T'as vu qu'il t'explique quelque chose? Vas-y. Je vais t'expliquer une règle. Ah, je sais pas, y a pas de règle ici. Je te dis, c'est. J'ai dit tout à l'heure une nuisance. Règle. Une règle sur le caca pipi prout. Ah oui, mais ça, c'est. Tu vois. Ça, sur je le pipi, on ne fait pas pipi oui. par terre. On ne fait pipi dans les toilettes. On fait caca dans les toilettes, on ne fait pas dehors. Ça dépend où tu te trouves, quoi. Et Luna, pète un coup. D'un coup? On ne parle pas là, ici, debout. On ne parle à le monsieur qui nous parle des questions. Oh, monsieur. Oui. Maintenant, est-ce que tu as bien compris la règle? Oui, mais toi, c'est ta règle à toi. Moi, ma règle à moi, c'est que je peux faire ce que je veux. Tu vois? Et je suis pas méchant, j'essaie d'être gentil. D'accord. C'est ça ma règle. D'accord. Rigolo, quoi. À condition que les gens ne te trouvent pas débile. Ça me dérange pas. Parce que j'ai l'impression quelque part que quelqu'un de débile, je vais t'expliquer Luna, voilà. Quelqu'un de débile, eh ben il mérite de l'arc-en-ciel. Il mérite l'arc-en-ciel. Lui aussi, ou elle aussi. Alors que moi, peut-être que je suis débile, mais peut-être que je suis intelligent, et peut-être que je mérite l'arc-en-ciel aussi, tu vois. Et peut-être qu'on mérite tous les deux l'arc-en-ciel, comme tu disais tout à l'heure. Même si on est débile. Alors c'est pour ça, ça me dérange pas que quelqu'un pense que je sois débile. le lapin. Et on se trouve au début de la radio. Alors. Non, non. Qu'est-ce que tu décides de ton pavé que tu adores? La musique. Non, moi. Problème de oreille, la musique. C'est vraiment trop fort. Est-ce que ça te fait... Oui. Bon, d'accord. Ça va mieux, là? Ça me gêne. Je peux plus parler. Mais c'est bien. Moi, je trouve que comme ça, quand on parle pas, ça fait un fond. Ça fait quelque chose qui reste. Sinon, moi, je demande d'être de la radio. Tu peux, si tu veux, mais sois gentil avec nous. Alors, tu ne parles plus de la caca poutine, moi, je m'en vais pour toujours. Hein. D'accord. Alors, si tu veux bien me lever comme le caca poutine et la musique, après, tu reviendrai. La musique aussi? Oui. C'est dommage, moi je veux bien la musique aussi, quoi. Oui, mais si tu veux, une autre prochaine fois, quand je n'aurai plus de problème d'oreille, j'aime bien. Parce que sinon, ça va... Tu vois, quand on a problème d'oreille et que je vais dans l'eau, et bah t'as une bouche, tu vois. Donc j'ai un vrai problème d'oreille. T'aimes bien parler à la radio, hein? T'aimes bien que t'es sorti. Maman, ne parle pas pendant la radio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que sinon, les gens vont nous entendre. Bah, et comme grave. L'autre n'aura pas envie, ils vont dire, toi, ne parle pas dans la radio. Et si elle a envie, en fait? Ça se trouve, elle a envie. Mais elle le dit pas. Ou elle dit le contraire, peut-être. Je sais rien, moi, tu vois, je connais pas ta mère. Mais par contre, pourquoi tu lui dis de pas parler? Elle aurait pu rester, mince. Mais bon, on va pas parler de ça. Hein. Je parle avec les doigts parce que sinon, là, tu vas m'énerver. D'accord, je comprends, j'arrête alors. Ah, pas de musique, quoi. Pas de musique, quoi. J'en remets ou de la musique ou pas? Ouais, il n'y en a plus, là. D'accord. Là, à la taille de mes mains. Là, j'y suis. Ah, la musique, tu veux dire? Comme ça. D'accord. Là, ça va? Regarde, elle touche pas très bien. Tu veux faire la radio, toi aussi, maintenant? Attention, hein. Doucement, doucement. Maman, ouais, tu vas tout casser. Maman, t'es interdit sous la radio. Maman, tu vas déranger la radio et moi. D'accord, d'accord. Alors tu fais la radio avec moi. Allez, te mentir, on va faire la musique. Et si tu pourrais faire la radio au lieu de jouer? La radio c'est super amusant, donc tu pourrais le faire. Je prends les chiens. Et quand je promène le chien, je claque des doigts vite fait comme ça. Là j'ai commencé à claquer des deux doigts. Je me suis amusée, je me suis dit. Maman. Alors. Qu'est-ce que... Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Danse avec moi. Qui aime... Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Moi, j'aime bien les coccinelles. Tous les trucs du monde entier. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Dans la vie? Ah, c'est une question difficile, ça. C'est un peu... En plus, c'est long. Ah, j'aime plein de choses. Dans le monde entier. Je connais pas le monde entier. Je connais que le monde entier à moi. Ah non, ça ce n'est pas possible. Ouais. Il n'est pas que à toi le monde entier. Il y a des Africains, ils vivent dans leur pays Afrique. Je parlais du monde entier. De mon. De ton entier. Moi ouais, je parlais de musique, ouais, il voulait de la musique et puis moi j'avais. Dis caca prout, maman. Caca prout, musique. Caca prout, pipi. Bon, on oublie tout. On oublie tout. Qu'est-ce qu'on chante alors? On chante. La petite fille est amoureuse. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. T'es amoureuse de? La menteuse. Est on est les meilleurs de la radio, merci beaucoup. On est les meilleurs de la radio. à dire ça, d'accord. Je te souviens. Attends, tu me dis un mot. On est sur Canal Sud. C'est une nuisance. Et puis, nous sommes dans une radio. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui. Radio libre. Merci beaucoup pour la vie. Car nous sommes très forts pour les chics. Nous sommes chics à la radio supérieure. Nous sommes dans la supérieure 92. Et nous sommes super. Maman, tu peux parler, hein, mais tu parles dans le micro. Non, je mets de la musique pour danser. Tu sais chanter? Je sais chanter, mais pas à la Kamanastala. Pourquoi pas? Regarde, moi je sais chanter. Chanter une chanson. Est-ce que vous pourrez vous taire? On est en train de faire une radio, pas chanter. Bon, d'accord. La radio est un truc professionnel. Maman, assieds-toi sur ce le truc-là. Vert. Moi, je fais une radio, je ne peux pas. Maintenant, moi, j'écoute la musique. Regarde-le. Non, on se fait faire de la radio. Te laisse pas l'embrouiller, Luna, viens avec nous. Merci beaucoup pour la musique. J'espère que tout vous a plu, mesdames et messieurs. Nous allons faire Akamanasta. Monsieur, où vous allez? On va faire la chanson de Akamanasta. Monsieur, on va faire la chanson de Akamanasta. Monsieur. Bon. Le chanteur, on va chanter la chanson Akamanasta. Vous êtes prêt, monsieur? Je sais pas si je sais la jouer, c'est quoi cette chanson? Akamanasta. Faites comme vous voulez, de toute façon. T'es super, hein, supérieure oreille. Ah bon? J'ai essayé. Faites hein. Comme vous voulez, de toute façon, t'es une radio. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est Akamanasta. D'accord, quand tu veux, je te suis. Akamananastan. D'après c'est quoi? Akamananasta, vous faites toujours Akamananasta. Akamananasta, Akamananasta, Akamananasta, Akamananasta, Akamananasta. Bengo. Bengo, Akamananasta. Super. Ouais. Akamananasta. Bengo. Akamananasta. T'es super cette musique. Akamananasta. Elle est super notre musique. Akamananasta. Akamananasta. Akamananasta. Akamananasta. Bingo. Bingo. Akamananasta. Akamananasta. Bingo. Bingo. Akamananasta. Akamananasta. Radio Sud, bonsoir. Canal Maman. Sud. Wouh. Yeehaw. Maman. Les t'inquiète, enfants, t'inquiète. Ils doivent aller au lit. Wouh. I was saying, Pablo Torres, la contre-insurrection et la guerre révolutionnaire. Le sort des guérilleros dispersés dépend de multiples facteurs. Connaissance du terrain, armement et provisions dont ils disposent encore, contact dans la région, intensité des opérations de l'ennemi, etc. Étant qu'il y a plus de deux guérilleros avec leurs armes, leurs sacs à dos, leurs explosifs et une bonne connaissance des lieux, il y aura une guérilla. Ils pourront plus aisément échapper à l'armée en traversant un pâturage, une rivière, une route, une voie ferrée jusqu'à ce qu'ils rencontrent des paysans sympathisants qui leur fournissent des provisions et les aideront à retrouver leurs compagnons. Hell, goddammit. We're never gonna make it out of here. We're all gonna die. It's hell. ça y est, le malaise s'installe. On se sent mal et tout, on a envie de vomir. C'est parfait. C'est l'heure de vous dire que vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission Nuisance. L'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Téléphone 05 61 53 36 95. Adresse le 48 Alfred Duméril 31 412. Nous sommes le 27, je crois. Il est 11h30. 27 septembre 2013. I always, well, often was the one doing the talking. Like that time you only had like 49 cents for a 57 cent dictionary, can of beer. Novel by that time we were half drunk, hell, off on brown sugar. We felt both on sure like July 2007. It'd be 2 weeks, part since one of them. And knew him by heart already. I see Morty with his big long head and stole the damn can in front of me and bought. I follow. Sweet. I believe in my role to follow him to the hillside of our and the Pakistani storekeeper. I got 48 and suspicious basket of some bullshit like packs of Lelda Seba and cigars. And I just grabbed his ideas. I got my talked on for like 5 minutes. Old turned out 300 seconds nonstop. I won't be using, not letting him get to what he was saying. And they coming, so I stuffed him. Morty knew me too. The bar in the condom pocket on my and was waiting for me outside. The phone in my belt purse, with my beard on the sidewalk, which I will seldom be used of the town. Funny thing how I forgot about now, my wallet and belt purse full of junk, flying papers, running pen, and we just come back hard, etc. I call it a trip because that's what it was. Not travels. I said, well now, we can't just leave. I mean, back to where I started, I behind us don't mean I knew my apartment was lost by the time you I know, came man, back down with just Morty. Won't do. I knew that's I had true. No money, but it began. He wasn't much of a talker. All the rest of it, Morty. I didn't know. I always, well, five. Often was the walking one doing up the town to the good neighborhood. Like that of time, course, we only had like 49 cents for a we got across all the bad ones, but shan a beer. This couldn't get any worse. By that time, couldn't. We were half drunk. The city was just like off on any brown other sugar. Town I'd we seen. Felt. No matter where we like went, clouds. It was always just the same it'd old be 2 weeks over again since I'd met him. And knew him by heart already. Looking for a bag of trouble. Like a dope king I am, looked over the damn can. And bought sweet, the walking no can. And up comes this old lady with and a dog and purse. He's storekeeper spoke to I me just probably said dog and purse about some bullshit like his warrior hair. She's I holding just grabbed his ideas and talked on for like 5 minutes. She's got, but that's 300 got a whole bunch non-stop. Of stuff where she's coming from. Not letting him get to what she he was saying and fucking clutches his shit Morty like knew the dogs too, on a strangler collar and chokes and her bag for me outside. Vinyl leather. We drank the beer on the sidewalk. So for the 10 seconds she holds on to the town. She's probably got an hour of sweat building now, up. Is months later and just walks by. It's summer. And then we're walking too, but and she just come back from by trip. Us. Like I call we it don't a trip because that's what like it was. She wants us not our to travels, and we a don't. Trip. Four. Back to where sure, I started. I thought well, I knew we my apartment would be lost by the time who I came back down with water Morty. Bag anyway. I knew I had no six. Money, but it'd be gone. I've two. Got it all planned. All the rest was of the it, only thing he said to I didn't me. Know, and I didn't think about it. I just believed. Walking uptown to the good neighborhood. Didn't say much. Of course, I already told you guys to reach him. You gotta realize all the I bad was thinking ones, about but it shit. And stopped. This okay. couldn't get any worse. It just couldn't. Seven. The city well, was just like face any other town I'd seen in the world. No matter breath. Where you went, I finally hear it was always just like, the same fuck, fuck, fuck, over oh again. Fuck. I realize how insane I this has now just we're gotten. For a bag and of trouble. I had to move from where he was in the room. Not an inch, not a fucking so inch. Walking, and he's and looking up at her. This old lady with a dog. Keep staring at him for an endless second. I've just checked on the dog girl. And purse, cause she's that's damn what it's bad. Like seeing her hair, just bad. She's holding her leash. She's and twisted bag. On the ground. Like it's the only thing. Her shoulders she's got. Are flat, she's but her butt and legs bunch are perpendicular. She's coming from the floor. Oh well. It doesn't she look sees natural. Us and fucking it isn't. Clutches her shit like the dogs on a strangler in my head and chokes in her bag. It's just another and realize fine I don't leather her ass imitation for like 15 minutes. So for the 10 I seconds she holds on to it, she's eight. Probably got an hour so of we're finally sweat building downtown, and the houses are and getting just wider, by. Newer, more green, well, too, just better. She in literally fact. Walks by and there's a like hill. We don't exist. It's got a concrete like satellite dish on top of it. A compound under the dish. Seeing how far we are, well. We don't need this huge, aggravation. I say, who the fuck? I look down and see my anyway. Companion hasn't stopped walking for a second, so I follow. I've got it all planned. Nine was the only thing he said. Now to that's me. The weird and thing I didn't about it. That's just the weird me. Thing. The morning he didn't say much, talk. As I already told you guys. I woke up on my back and I realized I was thinking about it and on stopped. The ceiling. Okay. First of all, seven. I well, was I'm kicking on the back, just can't. And backing up against the wall. And though my ceiling wasn't far, I was hearing close to it. He's like, oh fuck, fuck, fuck, oh fuck. But I thought anyway. I realized how I insane there I was again. Back down from the whitish. She hasn't moved from where thing. He was in the room. Finally, not an inch. That's not when a he fucking gets inch. Because and he's I get like at a her, flash. I think. Not an illumination. Keep staring flash. At him for an endless second. But a gray one. Check on the girl. Black and white. She's damn bad. Flash. Just bad. Remembering. She's twisted on the ground. Her shoulders are flat, but her bottom legs are perpendicular to the floor. And then they're gone again. It doesn't look like I see myself forgetting them like a trauma. This whole thing there in my head is weird. Look at my mattress and realize I've been kicking her ass for like 15 minutes. How messed up I was dead. The night before. 8, 10. So we're finally I remember now downtown, how, and the house when I was getting wider, I would imagine myself more green and better fighter, and how I was and there's a hill. That's what I would see. Satellite dish on top of it. Compound under the dish. Out loud to the dark room. Seeing how far we are from it. Won't ever leave. It must be I said it. I look down away. And see my companion hasn't stopped walking for a second. So I follow. So we're walking nine. Up the hill, the top of it. Now like that's the weird thing about an hour away. That's the weird it's thing. It's going to get dark soon. The morning after that he's left like I woke up on my back and I've been walking for like 3 hours since then. First of all, I'm getting hungry. I don't sleep but on I'm back. Firm just more. Can't be, you know, and I see then, my though my feeling wasn't far, I was fucking close. He tells me something, but he's talking the other way without so turning his head. I blinked and there I was again, back down from the white impulse to ask. Couldn't see anything. Just go on walking alongside the finally, road. Finally, that's when it gets iffy. Tune down on my I get housing. Like a flash. Just not an illumination flash. Did I tell you how deeply I feel black roads and houses together? Flash. I'm uneasy and longing for a hit of something. I know God will furnish. Did I tell you and how not deep good I feel for God? I'll last forever. And then they're gone again. My head up, and I see myself forgetting my famous like silence button and start talking. This whole thing not there leaves not to me myself, weird. Just talking. On my mattress. I bring up the subject over the of my childhood. Sexuality. See how messed up by travels and politics before. Religion. And when I'm about to explain how good I remember now how, when I was a kid, I would imagine myself when being an airplane pilot or fighter. And how I was sure certain that's what I would be. And I'm fucking this guy. I know it's a guy I'm fucking because my hands are on dark his room. Chest. Stuck it's either in a guy I'm fucking ever or dog because I feel a lot of hair on my fingers. Going away, nothing left but I stop for a pain. Second as I realize so we're walking and up the hill on top of it like an hour away. But it's going to get dark soon. I kind of run to the back and later and get up around 4 p.m. I notice that I'm taking my dick out of his ass for like 3 hours. Got a rubber on. Good thing getting hungry. But I'm sure mortal knows where I see myself mentioning it to him. Take it off. He tells me something, but he's on the other way. I'm about to turn or the head. So I can't hear what it is. I ignore my impulse now. I'm sure that I've always been good at getting it. We're still on the road, it's down no more how we were in the camp of the car. It's a few German surfers. Did I tell you how deeply I feel for the road to Rousey Street? Which I'm looking for the longing for a hit of something. When they got God will burn the notice. Did I tell you how deeply I feel for God? The pain that you and then took my head up. Which you have now from my face. Which you don't even think about talking. Not the highway to ride myself, just talk as I call it. I bring up the subject of my childhood. Sexuality. I haven't told you about travel, politics, religion. Be honest about the same how good I got. I fucked up the president. And for once, that I've got to see the salary. I've got to agree with Brown. It's the idea, bro. It's got me doing this pick. And I'm fucking I'm going to tell you about the pig. I'm fucking because my hands on it. I'm in a shitty youth hop. It's either guy I'm fucking or dog. I'm going to load hair under my finger. Then I'm going to tell you about the fucked up part of the idea. I'm about to realize old he and I have now. Stopped moaning. My dream is to drink the whiskey. I go on thinking, which is my age or older. When I was younger, about 15 I always later drink and get a wine. My age. Notice that now I got a dick out of his ass. It's just got the bourbon. I've part got of a rubber on. They didn't make anything clear yet. In the dark, it's still a little sticky. Now. Time after satellite dish. And you notice. Take it off. All these campy cars and all them, the feet on their side. Just as more closely looked at me, Link and I, been 2 weeks and I felt, I'm sure that we shoot for the I've kids always been good at guessing the app. They are still on the road and we're on, but this time we were in a camping car. 16. The two German surfers, the idea is given. It's only more right to do this. And that's what we're doing by the next restaurant. Damn-ass hunt, where they drop us off after having noticed. By now, I think we know finally what we're talking about here. Pain or deep sense. What do you have now? But we don't even think about next thing I know we're in a dark highway or a bar. I like the supporting pillar in the middle. 14. I've got a glass of Jack. I told you about it. The idea. The idea is to park this to get dark. Fucking up. Automatically, I've got to smoke it as when it's middle-aged. It's middle-aged 30 or 40. It's got 40 steps. I'm going to tell you about the place first. I tell her. I'm in a mattress. Shitty youth hostel. Calmly, she died. That's where I was. I'm going nowhere. She steps over to tell you about the fucked up part of the idea. I'm about to be down. I mean, my genius drink the whiskey. When I was younger, I always drank a wine my age. Somebody now I got ambition. And I know this got the bourbon turn around. You got a base, make anything clear as long, long hair. And then I decided, like, the fuck is his head? I asked him, he all said, these camping cars, and small vans with under the seats on their sides. Under the cap. Just as Mark, when I looked at you, Lincoln and I, my cigar, and I followed with my buddy, and shoot for the kids first. We asked, they answered, and we're off. Notice the ending of my idea. Interrupt the song in Mark's, I'll get to fuck tonight. And that's in waves. A damn ass ton. Soon they're everywhere, all around us. By now, I think more, we like know finally what I'm talking about. Yeah, here, 100,000 times heard question 17. What? We're in the a street now. Next thing I know, we're in a dark cellar of a bar. 19. With the nous sommes sur le point de mourir ce soir. Oui, nous tous, car nous sommes là. Là. Et donc, en étant là, je vous le dis, on n'y est plus, parce que c'est bientôt fini. C'est comme ça. Voilà. Là. I tell her, kind touch only Max. Calmly, she backs off. Kind of as I'm staring at her, to you, steps over towards me. Just one. When cold. Just have after having I'll be lit down. My blunt, but I feel the some bitch. Guy coming I mean, along. But she's he looking old and worn out. She gets next talking to me like I'm lying about what I do, and she lies too, which and is damn. Cool. More fucking goddamn to on the shoulder. Talking to me. And I notice, as I turn around, I don't need this shit. He's got a baseball cap over his long blonde hair. And I'm gonna be about and 4 a.m. Where the fuck four is your hair? Base later. I ask him, he says, man, I don't cook up stuff. Shit, I under should. The cap. Under the and cap. And I'm pissed off when I drink my drink. Bro, press my cigar. I leave with my buddy and dump me. I'm simplifying because he does cook. So noticing geezer, the ending on, and I'm answering of my he's talking about his red dog and wife about his driving license long gone about his broken down house soon they're everywhere all around us dropping them all shut up pushing back starting say, to yell at no 100,000 times heard questions that I say what answering most important between a little like how it. Much have you ever suffered but you're fucking you just can't breathe you figured out what the fuck we're planning thank to God do on this fucker more round than top good for you a new present just for those who don't turn up your shit man they smell it I'm gonna tell in 2 days we're about to get fucking rich selling dope fiends did I tell you not Martin's just about 39 the smelly kind of course they all look up at us from their tiny feet touching but we're looking for the elder and soon we'll find which holds on to the Morgan and G's God his when things settle just have I got mine too my cause I'm from couch. Their seats, which is but also we're looking my bed, for the elder and coffee, soon we find I hear a knock. I've got a doorbell, damn it. God, I'm about to say when I'm settled, time and Shazam, I got mine, I remember, because last night promised to my only friend acquaintance in this God-abandoned city, interpreter. Marky's at the door, smiling. In other words, when I speak, he nods. I wait in a pool of puke. That's what there's this bearded guy called Dan. You wake up and he doesn't stop talking. Morgan's about 55 and there's his friend Phil. Just something he says he's himself and he's ready. 54 and he speaks on the days of talk as in I hear birds. Yeah, that's how it is. Smell. I realize Dan's jealous fine, Phil. And there's two little round Santa Claus is our team surrounding us. Okay, I can't hear a car anyone. Anyway. how much I'm you want it for. But this feels good and lonely, so I grab the inspector. When I think last week we were on the side, my hand in between him, working like bureaucrats, and now we're, I don't know, 100 miles away, taking a sip of dehydrated contraband, with carnivorous flowers, a small packet of something. The powder in it is pinkish brown. Won't be long. I know what it is. Try to do it and smoke my last cigar. More control. I only smoke one today, so I know. Ain't been 10 days. Tell everybody. 24. When are we sure to have a bad day? Where are we? After what the remnants of white light that has in my face. Me. I'm fucked. And as I'm moping around my couch, which is like my bed, I don't bother washing enough, drinking my bad last beer in the back. About another half when I go on and discover a new lamb, but too late I remember the dog, but last night's promise to my too own Johnny. Son, some plain song thing I know, but you can't remember down the belief. Really we work. Mark is at the door, smile. Grab a jacket, drink my mouth, I wake up on the notice the suitcase at the end of his arm, you go to and we leave. You wake up on the 26th. Morphe's next to a fire, lying and coughing. Now with some girl called Sexist, ready. She finds that she has a friend, a girlfriend. She says we've been here birds singing and smelling. Around me at the woods, surrounding us. She works for a bank. Can't hear a car anyway until yesterday when I'm inflicted. Too much sleep, I think. Good and lonely to get like that, because she paid. Some I think last week we were on the side of that hill. Morphe wants to work now. Like bureaucrats, and now we're, I don't know, what's 100 miles away. Morphe hands me a small packet of something. The powder in it is pinkish brown. I know what it is. The party I do it, so I smoke well. My last cigar. I kind of like I only smoke one today. I know when I know it's been 10 days. Exactly. 24. I don't know what more. When are we? He's got all of it. Where are we? Enough white light flashes in my face. 100 people we've met. I'm fucked. Some guy with his baby daughter. Fucked. By his side, I get dressed in a punkish haircut. I don't bother walking up, talk to her. My last beer in the fridge. I say no, and how the half full one with me. I know it's a bad idea they have me garbage. At the outskirts of the party, not know we leave. I've come a song I know, but I can't remember except from the beer this morning. I haven't had anything all day long. Grab a jacket, drink my mouth, rum, tap water, and steam. Notice go away at the end of his arms. Well, we leave, makes me tense. 26. 28. We're both in the haven't washed. Now month with this now. Girl called we hardly eat. She's fine, but she has a friend with a girlfriend. Get it. She says we've been here for a week, but I'm paranoid and now. Been having a great I know. Time doing nothing. You know what I mean? She has like this. She worked for a bank. Meaning until yesterday when she found one little deed, I think. She goes to the post office and asks because she paid some in cash. Some in cash. He won't let me see more if he wants to leave now. Who is this man? Her work by my colleagues was full because he'd go in the bars. They told me today she didn't want us to stay at her place. I'd be leaving alone, but not now. Meet her there. Must be their friend first. 27. But I just can't. I know we're two kings of the party preparing to shut up. And well, I kind of like it. Me back I know when white light. I tell them stay there, watch me leave. I don't know what more he's got, but he's got all of it and lots of it. I get away from my today. 100 people we've met. I think he thinks. Some guy with his baby daughter. I know it's by his side. In a punkish haircut, that an outfit. I still have the purple shirt. I say no, I had it 2 months ago. He trusts me. I don't remember shit. I know it's a bad idea doing business. Where I got this shirt. At the outskirts of the party. So we leave. It's all about. It's all part. Almost done. From the beer this morning. 31. I haven't had anything all day long. Well, serving answers. And steam go away under my nose. On the rock. Make hooray. Sense. This is my way, he says. 28. I have to walk down the mud now. You would hardly eat. I'm just somewhere. I'm dying to walk to where Mark's. Thank you. Apart from those moments, he was adorably calm, multi-personality, just like my mom. And having one day he tell me he loves me, he must have been the ugliest for around. Oh, just couldn't make up his mind. He was dignified, but ugly. Oh, thank you for the paper. That's all there to it. Yes, I'm sorry. She was an emotional comeback. She was an ugly comeback. Pardon? Paranoid with that. Always telling me on me. Hello. I'm Morty. To have prostitute friends. Don't got a mouth, nor eyes, and memorize more ears, all that I got in the universe. I'm the reincarnation of I think that's why Bob Sanders and Buddha like me. I'm so much. The Buddha of ball head sucking dry. What's the relation between the two? Just like my stupid mother was. 35. 37. It all starts from July 1957 when my love like one incarnation one of was born. Time. So, my name was Bob Jr. In fact, I loved I was the son so of a hooker, I so no one really knew who my father was. I could hear my mother in my mouth. And you gotta know one those thing. Days, I mean, it was so good for sticky, salty, yellowish white. He was swallowing time. So she went crazy. I craved it. Driving he had the biggest dick. Swallowing. I mean, it was huge, and he stopped. Shut it. So I ended up in an orphan ball. Her 36. She shaved it. I liked it there. We were all boys. 38. The people took care of one day and everything went wrong. My mom there, was in the street and I was at home with Bob Janet. sucking. It was very but suddenly Bob mm-hmm. pushed my head down he doesn't and suck all dick. The way. He'd come. I'd swallow just like my mom did before I was she was jagging. And suddenly, she must have been the ugliest for a round. Oh, I peeked all over him. And my mom came up the stairs. That's all I was doing down with puke all over. She was an ugly come by. Screaming things like, she was an ugly going come deep both with a kid and paranoid the back. Blah, blah, blah, on me. And finally, she shut up when I told her I was chasing by and dick in my mouth. And I'd walk on the roof. And memorize all everything that I mind of her. I wasn't this orphan, fucking Bob. I think that's why Bob died. Like 10 years. I fucking dry. And one day they told me I swallowed it anymore because I was 18. Keep the mother wood. So I left. I didn't have much stuff. I didn't wear underwear. The day I told her how it was summer. Bob. It was hot. And I was fine. So I had no work, no money. In fact, good for me. I loved him so much. No drink. I could have stuff for time on me. God. I could have just find him around. I went to my old neighborhood, I mean, I was contact among the hookers and salty yellow white. Talk, wondering if there was a specialty horror somewhere. I craved and it. There were none. And so I had found a dick. I mean, it at was first huge. I thought I'd shut it. Half dressed as a girl, just so I found these high heel shoes and just from one of the drags. 38. Except I put them on and went for a walk. My mom first customer looked like a boss at home, not bothered. At first, sucking. Wanted to fuck some, but I told him no way. Head down and stuck it all the way. Do you want to know what my special head is? Stick in my shirt. I was gagged off letting him down. He let go. I sucked it. It was swallowed. Come. I peeked all over him. And when my mom came up the stairs and saw Bob, I'll be down with jam. She died and started screaming things like, she had to go and eat stuff with a kid. I just heard blah, blah, blah, blah. Followed him. And finally, then he shut up off my door. I knew why not. I stuck it in my mouth and then I did it on my throat. It lasted like half an hour and since I used all my best tricks and love. I wasn't as awesome sure of it. Bob came back by the regularly dozen. For the next year like or so. Like 10 years it lasted. And he brought friends. And one along. Day they told me I couldn't what, stay a bunch anymore because I was 18. 40. So I left. So I had to find I didn't have a great much job. Friends, I didn't wear underwear and undershirts. And even a place to stay. It was summer. It was hot town where street. We talked about. I had no work, no money. 6 months good for later, me, I didn't smoke I had or dropped drink. A dress. I was doing my regular walk around town when some girl I had to came find up a job to me and asked, I went you to my old neighborhood, found contact among some. The hookers, and I said, I talked wondering if so there was me a specialty whore somewhere. 41. And there were none. Linda so was found my a job. First and only fuck. At first I was thought I'd enough. Have to dress me a while girl, so I maybe found these high heel shoes and I was disgusted by it, from one of the drags, she was homeless. She stank. I put them on no, and went shit, for a walk. My first and I customer her, looked like a bod, so I'm not looked sure. Wildly and calmly wanted to fuck me, but I told her no way. And I paid her and died 2 years later of where my specialty is. 42. That doesn't explain why I'm letting her know how wise and strong like my Buddha and follow or why I reincarnated in the future. Solve that. And I'll be damned. But I didn't look disgusted. Part 4. He had 44. A clip on Facebook says that's why it's all about sex, drugs, and foul language, yeah. But then he must have thought something like, I would have known. No, why not, after all? I never would have started this story, because it's my story, and I removed all my best tricks. And now that I've started, I'm sure it's because it came I've got back to regularly for the next year or so. And you brought me shit when I was born, or what wild bunch they were using on sexual preference. So I have found a great job, say this, friend. I'm the family of this world. I'm gonna place my face destroyed just like that. Squat uptown. That's what my attempt was doing in these last lines. 6 months probably later, figured out by now. I had dropped this the dress. World, work I was fiction. Doing my regular walk around Post town when some mom girl came up to me and asked, don't know. You got I don't give a some. Shit. Even a friend of mine. Some crazy. And I said, gone I crazy loads, with drugs. So she followed me up a staircase and crazy and fucking sex. 41. I hate Marquis because Linda was pathological liar fuck. And always was but strangely enough. Bob. It took me a while now to come. Bob's maybe half an hour of this. At first, he or she is not a character, but that's because she was homeless. Suitcase. He's and a beer. He smelled like shit, piss and cheeks. And local, innovative. She was beautiful. It's so much wildly and calmly in love with me. Can't even begin to comprehend. It was good. So his patron died 2 years later of herpes, as my dad put it so clearly. That doesn't explain how wise and strong is my growing anymore, but why I reincarnated in suitcase seems that and these steps are going reported from another order of writing. Right. I should 44. Say composing, because these that's guys what it's all about. That drugs and foul language. Language. Un peu plus tôt, on a entendu You, donc You a joué de la guitare, hein, merci You. Ensuite, il y avait Al aussi, donc merci You, Al. I am when open. Flesh and blood and boredom. Boredom is good when I was born or what's my sex. I won't let anybody but my publisher. I'm just gonna say one this. Of which is I'm the creator of this world. I've already destroyed just like that. Number one, line, I don't give a doing shit. In this last line. The second probably thing figured out by now is the nature of the world is yet to be found. Post by Roman reader, my hope. Paradox. I don't give a don't give a fuck, but Steven's a friend of mine. Operation. Some crazy similarity. Crazy minus drug duration equals different. And crazy fucking sex. It comes to me like I hate more people. He's a pathological liar, rancid, and always was insane. Bob and gross. Now Bob's an interesting old man is because he or she funny is how not things character, change but in place in environment case and a Buddha to change them prostitute strange I mean and local innovation and a key so much to me find it yourself I can't even begin what to comprehend to life so here's you a dictionary part of past novella as my dad ruptured the insane so membrane clear. Which keeps you I'm older now within not and growing suddenly, anymore but changingly changeling come out seems. Of this whole sex are going in the of your logical wording of writing do not seem I should say composing, because these chapters bring me to mind feels like different parts of a symphony. You've got to grasp the meaning the title of insensibility. Whole is a composition of sorts. It says I a lot say in entirety about who or what I am. Sensibility I am, when discovered, a closed book. You might believe I am yourself, open. And you might think flesh and blood I'm and boredom. Fascinating. Boredom's good. Oh, my cool. Word. I won't I let like anybody but my publisher so don't go actually touch text for two reasons, while you one of which is concentrate. Concentrate. I've already damn stated. It. You little piece number of scum one, you are. I don't give a just shit. Like we all and that's are. Final. You're second imperfect and you know it. Nature goes once reasoning more. Is one. Yet to be found. I don't give a fuck. By you reader. What you want is a key paradox. All I give a fuck but care. Is operation key to failure? Mind drive. You won't be off so easily. It's not time. Maybe. Later. Hit the main line down, cause there won't be any more chapters, though parts spoiled. Me, I don't lie, you'll see. Funny how I'm giving myself time to just iron a cigarette. I'm apt to change then about the future again. Strange, I mean, again, now's the examination and the key. How stinky, find it yourself, the key. What it means is to lie under your bare foot. You can't search and clean the coast. And how smart you ruptured the insane membrane. You've got a bad case of dragon and suddenly in night come out and there's nothing more to do about it. Because it's been a little worse for age where you've been dreaming. You might as well just shave your skin if you need it. Or you wash it, we'll defend you for you. Now's the time to tell Colin you not want the idea. I'm content with the present state of my life. Activity is finally the time to swing that cigarette. I believe yourself, Mr. Bicycle. I'm a bad lady, and you joined up. Oh, my word. Drinks and fan count. I like to take some stuff home. You actually can go to bed. Look out. You once more concentrate. Where was I? Shit, right? Damn it. I from satisfied skills from poor existence that we all that's why I can't be doing perfect, and you know. So if I were sad of living, what I want to be someone else, but nobody that you want is that success. All I'm not trapped in country is the I create failure to be brought hang out. I'm only off the idea was to go for a long time, maybe lay out stop. Even I know this context, there will be until I find this show to express my dark intention. I don't like this. I'm giving myself time, just I don't know why, but here goes. Thinking about the future again, I again reading this shit. I said, sneaky, pukey, and sticky. I knew from the latest mistake you're doing. Between your hopes and how stuck you process, you're so proud of the concept. You got a bad case of dragon valve right now, it's chaos. I'm not the inventor, nothing to do about it. But I tried to do more exploit aging. Within our planet's welter's laws to stay in there. And myriads of trees lost she can tear down with no respect whatsoever. Now's the time to tell you how I came up resembles a Bukowski and Kerouac novel, but I'm the heart of the miserability of my life. It's finally the time to smoke that cigarette I was telling you about. The heart is ready to burst. Instead of a cigarette and anger, I smoke a bad disgust and the eyes of the tree. Drank which are the leaves, of course, have fallen out of their sockets. And go to bed in the cloud. Meaning the destruction of any joy is taking place. I'm satisfied with my own poor existence. While the constructed world falls apart. If I were sad, but sure, I want gotta to have that figured out yourself, satisfied. And I suddenly feel I'm wasting ink and paper. I'm not wasting ink and paper. This is needed. And the idea was to go talking from one to next. Anyone can be a writer. Without stop. And I won't tell you the best of this context, or the worst of it, blah blah blah. So I find this freedom that's to express not my, my dark interior. I've got to explain. You don't find the same freedom in poetry. I don't know what languages here go to each other. To conclude, I avoid rereading myself. Enough. I said avoid. You don't need a dictionary to read this. I look for this my biggest addiction and try to correct. Signing off. Over and out. Why I check it out your process when I forgot about the concept. Can't hardly talk on writing as chaos. I'm not the inventor. Hardly I think at all anymore. But I try to exploit the idea. Feels like there are plenty of wonderful laws to break in there. We're all dying. Myriads of trees you can tear down. And have no shapes whatsoever. It never bark takes from this particular tree. It's all just consequence and everything. Just but the heart of this said bark negative is made of flesh. It's chronic. Rotten age flesh. It entropy. The heart is ready to burst of pain. Nothing and shall ever be the same again. Once and more. The eyes of the tree, because nothing is nothing, which are the and that's leaves, all there is course, to it, have fallen. Slowly, out the motions of their take place, and even meaning the neighbors, the destruction disappear. Of any joy is taking even place. The neighbors do it. Even they while permit themselves to attain, to fall apart, to succeed, to sustain. But sure, it all looks shameful. Bon, c'était vraiment bien à chier, quoi, je veux dire. Comme d'habitude, Nuisance, bah, s'encule soi-même, quoi. Voilà, que dire, il est minuit, la censure est morte, ils en ont marre, ils sont partis se coucher. Donc voilà, quoi. Auto-fécondation bientôt, in vitro en plus, ça sera génial. Ensuite, il y a encore des choses à dire, genre merde, enculé, j'ai caca prout, et aussi, ouais, enculé, ça c'est bon. Ça va, bon, moi aussi, il plaît. Moi, j'ai remonté un peu. Allez, à plus.